Ce fameux tunnel-là sera engendré par la propre lumière du défunt d'un de ses corps subtils qui est aspiré vers l'astral, puis il y a une illusion parce qu'il y a une réflexion de sa propre lumière. Je sais pas si vous comprenez. Fait que oui. Mais c'est comme juste des fois, il va falloir enregistrer au niveau du vécu une capacité empirique qui va se faire automatiquement quand la personne va être désincarnée. C'est-à-dire, il y en a qui vont dire, moi je ne vais pas là, puis j'atteins. Puis ce ne sera pas parce qu'au niveau, quand vous êtes désincarné, vous n'avez plus le plan psychologique comme on l'a ici, c'est plus pareil. Mais ça va vouloir dire que ça a été intégré de son vivant, ça. Je ne sais pas si vous comprenez, là.